بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد. Donc on va continuer inshallah sur l'étude des règles exemplaires concernant les noms et attributs divins. Et donc la fois dernière, on avait terminé l'étude de la sixième règle, de l'Qa'idat al-Sadisa. Et donc aujourd'hui, on va commencer l'étude d'une nouvelle règle concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que dans son livre, l'auteur, dans son œuvre, il mentionne des règles concernant les noms et les attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc il va commencer d'abord par mentionner des règles concernant les noms. Ensuite, il va développer certaines règles concernant les attributs. Ce qu'on appelle les noms al-asma et les attributs al-sifat. Et la al-qa'idat al-sabi'a, la septième règle, c'est la dernière règle que l'auteur a mentionnée concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la septième règle qu'on va étudier, c'est la dernière règle concernant le domaine des noms, concernant le domaine de l'asma. Ensuite l'auteur, après cette septième règle concernant l'asma al-husna, il va commencer à évoquer des règles concernant les attributs. Donc avant de commencer la septième règle, on fait une portée d'attention sur la fin de la sixième règle, surtout concernant la traduction. Donc, dans le texte en arabe, l'auteur conclut la sixième règle en disant, après qu'il ait mentionné une liste des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a recensé dans le noble Coran et dans la tradition du prophète, sallam, l'auteur a dit « وَهَذَا مَخْتَرْنَاهُ بِالتَّتَبُّعُ وَاحِدٌ وَثَمَانُونَ إِسْمًا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ إِسْمًا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِنْ كَانَ عِنْدَنَا تَرَدُّدٌ فِي إِدْخَالِ الْحَفِيِّ لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et comme cela termine l'auteur cette sixième règle. Pour ceux qui suivent avec une autre édition, dans votre édition c'est de cette manière hein, que l'auteur termine. Donc l'auteur dit à la fin, voilà les noms que nous avons pu choisir après étude des textes. Il dit un nombre de 81 dans le Coran et 18 dans la Sunna. Comme on l'avait dit, et on avait terminé notre assise la fois dernière en développant cela, en traduisant la parole de l'auteur. Donc l'auteur termine en disant, voilà ce que nous avons pu choisir comme nom à travers l'étude, après l'étude des textes. Donc l'auteur en a recensé 81 dans le Coran et dit 18 dans la Sunna du prophète. Ensuite, il fait part de son hésitation concernant le nom Al-Hafi. Al-Hafi, là il fait part de son hésitation, malgré qu'il l'a recensé. Il l'a recensé parmi les noms qu'il a trouvés dans le Coran, dans le noble Coran, Al-Hafi. Il dit pourquoi ? Donc, si l'on a hésité à y inclure le nom Al-Hafi, c'est parce qu'il est cité avec un spécificateur dans le verset suivant. Il est aimable à mon égard. C'est-à-dire, il dit « لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ مُقَيَّدًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمُ » C'est-à-dire que le nom Al-Hafi, pourquoi Cheikh il a eu une hésitation, il dit parce qu'il est venu citer, et lorsqu'il est cité le nom, il était lié par rapport à l'histoire et la parole de Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim, lorsqu'il dit Innahu kana bi hafiyan, il dit qu'Allah a été hafi à son sujet, que ici traduise par, en quelque sorte, relativement et approximativement, aimable à mon égard. Donc c'est lié à Ibrahim alayhi salam, que la paix soit sur lui. Pour cela l'auteur dit, j'ai eu une hésitation à le mentionner, le recenser parmi les noms divins. Innama warada muqayyadan, parce qu'il a été mentionné, lié, le nom est cité, lié fi qawlihi ta'ala an Ibrahim, à Ibrahim dans le verset qu'il cite, c'est le verset 47 dans la sourate Maryam. Innahu kana bi hafiyan. Wa makhtarnahu fa huwa hasba ilmina wa fahmina. Et ensuite, l'auteur conclut en disant, est-ce que nous avons choisi, c'est selon notre savoir et notre compréhension. Mais au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Au-dessus de chaque savant, il y a plus savant. Donc vous vous en rappelez, lorsque on avait mentionné cela. حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. Et voilà comment conclut l'auteur cette sixième règle. Sauf que ceux qui ont la traduction, vous pouvez voir que ensuite, après la traduction du verset, jusque là c'est bon. Jusqu'à la mention du verset, c'est bon. Mais ensuite, il est dit dans la traduction, de même pour le nom Al-Muhsin. Si nous ne l'avons pas retenu, c'est parce que nous n'avons pas trouvé mention de sa transmission chez At-Tabarani. Alors que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah l'a mentionné parmi les noms d'Allah. Il y a également parmi les noms d'Allah exalté des noms sous forme d'annexion. Malikul Mulk dhil Jalali wal Ikram. Malikul Mulk dhil Jalali wal Ikram. Et donc ils ont mentionné ça dans la traduction. Or, dans le texte arabe, c'est donc on le retrouve, c'est dans une autre version qu'on retrouve cette partie. Voilà, dans une autre édition, en arabe j'ai une autre édition, par exemple la traduction là qu'on a lue, et vous retrouvez dans les deux traductions célèbres, dans, que ce soit les éditions Sabil, celui-là, violet, ou l'autre édition, les éditions Sana, ils ont traduit cette partie-là, qu'on retrouve dans d'autres éditions, dans une autre édition en arabe. Donc il y a cette partie-là, comme quoi l'auteur a eu une hésitation aussi pour Al-Muhsin. Sauf que là, ils disent, dans la traduction, l'auteur ne dit pas qu'il n'a pas mentionné Al-Muhsin. Il dit, si nous ne l'avons pas retenu, c'est parce que nous n'avons pas trouvé mention de sa transmission chez At-Tabarani. Dans cette édition-là, l'auteur fait part de son hésitation. Comme pour Al-Hafi, il a hésité pour le recenser parmi les noms divins. Sauf que Al-Muhsin, il va le recenser. Il le recense. Comme Al-Hafi, il le recense. Donc, dans la traduction, Wallahu A'lam, le fait de dire « Et nous n'avons pas retenu Al-Muhsin », c'est contraire à ce qu'a retenu Ashir, puisque Al-Muhsin est mentionné. Mais c'est plutôt qu'il dit « Les annana lam nattali ala ruwatihi fi at-Tabarani ». C'est plutôt dans le sens qu'il a hésité pour Al-Muhsin parce que il n'a pas eu connaissance des rapporteurs. Il est dit dans At-Tabarani. وقد ذكره شيخ الإسلام ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق. Mais dit, le savant de l'islam l'a mentionné. L'a mentionné Al-Muhsin. Comme il dit, je l'ai retrouvé aussi dans le Musannaf, dans le recueil de Abd al-Razzaq. Donc, selon cette édition en arabe, comme il est mentionné, An Shaddad ibn Aws an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Shaddad, le fils de Aws, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, selon cette édition en arabe où il y a ce rajout, Cheikh ne dit pas qu'il n'a pas retenu et n'a pas recensé le Muhsin, puisque dans la liste il y a Al-Muhsin. Mais ici, c'est comme pour le nom précédent Al-Hafi, selon cette édition-là, on comprend qu'il veut dire il a eu une hésitation pour Al-Muhsin, parce qu'il n'a pas eu connaissance. Il n'a pas eu connaissance des rapporteurs de celui-ci. Sauf qu'ensuite, il a vu que le savant de l'islam l'a mentionné, Al-Muhsin. Et aussi, il l'a retrouvé dans le recueil de Abd al-Razzaq, le recueil de Abd al-Razzaq. Et c'est pour cela qu'ensuite il dit wa min asma'i Allah ta'ala ma yakun mudafan mithl malik al-mulk dhul jalal wa al-ikram dhul jalal wa al-ikram. Est-ce que ce rajout vous l'avez ici ou pas? Ou non? Vous l'avez pas, parce que ensuite ce rajout en arabe, Allah alam, est-ce qu'il ne fait pas partie du commentaire, c'était rajouté dans le texte, ou autre? Pourquoi? Parce que nous, sur lequel on se base, c'est sur la mu'assasa du shir, c'est sur la fondation. Justement ensuite, shir, il y a shir Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il y a une fondation qui s'occupe justement d'éditer tous les livres du shir. Donc c'est la fondation officielle. Et eux, il y a vraiment une étude, les livres sont édités avec précision. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres qui ont été édités de Cheikh Ibn Uthaymin, qui sont des livres qu'il a écrits de sa main, mais il y a des livres qui sont édité, c'est la retranscription de certains cours audibles. Et c'est pour ça que beaucoup de ces livres, en réalité, c'était des cours audibles. Donc il y a un grand travail qui a été fait de la fondation, et ils ont édité, et de là est paru de nombreuses œuvres de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Jusqu'à aujourd'hui, ne cesse de paraître. Sauf que les livres, les meilleures éditions, la meilleure édition, c'est la fondation. C'est la fondation de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et eux, justement, dans l'édition de la fondation de Cheikh Mohammed, c'est-à-dire la mu'assasa de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, c'est la fondation officielle, hein, pour éditer justement les livres de l'auteur lui-même, cette partie-là ne paraît pas. Donc on comprend que la traduction est basée sur une autre édition. On comprend à présent que la traduction est basée sur une autre édition, pas celle de la fondation. Donc c'est pour ça là il y a ce rajout. Ensuite, comme certaines premières éditions qui étaient parues, en l'occurrence, celle que l'autre édition que j'ai lue, c'est Darul Athar, Dar ul Athar, qui avait édité le Qawaid al-Muthla il y a de nombreuses années. Il y a de nombreuses années. Certaines éditions, par exemple égyptiennes, ne sont pas exemples d'erreurs. Il y a des erreurs. Ne sont pas exemples d'erreurs. C'est pour cela que le mieux, c'est de se baser sur l'édition liée à la fondation de l'auteur lui-même. Après, est-ce que cette partie-là, c'est une erreur ou non ? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. En tout cas, dans l'édition officielle de la fondation de Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, cette partie-là, à la fin, n'y est pas. Cette partie n'y est pas. Wallahu a'lam. Et là, on se rend compte aussi, si vous avez aussi bien l'édition Sabil ou l'édition Sana, la traduction est quasiment la même. La traduction est quasiment la même. Taïb. Donc on va reprendre. Donc ça, c'était une précision concernant la sixième règle. On reprend maintenant l'étude d'une nouvelle règle, la septième, et qui est la dernière règle concernant les noms divins. قال المصنف رحمه الله تعالى الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع قال الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفة اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. Alors l'auteur, ensuite dans cette septième règle, il mentionne une règle très importante et très pertinente. Il dit dans cette septième règle, il va parler de ce qu'on appelle el-ilhad. Le terme el-ilhad concernant les noms d'Allah exalté. Et il va expliquer qu'est-ce que el-ilhad. Pourquoi ? Parce que el-ilhad, on va apprendre qu'est-ce que dans la langue arabe. El-ilhad, c'est quelque chose dont il est interdit. El-ilhad est interdit. Al-ilhadu, concernant les noms divins. Donc, il va parler de l'ilhad qui est traduit d'une manière relative et approximative ici par l'hétérodoxie. L'hétérodoxie concernant les noms d'Allah. On va rester sur le terme al-ilhad. Pourquoi ? Parce qu'on va l'expliquer. On va expliquer. Et dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala justement dit et délaisse ceux alladhina yulhidun qui font al-ilhad concernant les noms divins. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, qui est interdit, ce qu'on appelle al-ilhad concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'ilhad ? L'auteur va nous expliquer, c'est ce qui consiste à les détourner du sens qu'ils impliquent. Al-ilhad, c'est le fait de les détourner, c'est-à-dire les noms divins, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala exalté soit-il, de les détourner du sens qu'ils impliquent. Et donc, le fait de détourner les noms divins, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié, exalté soit-il, de leur sens qu'ils impliquent, il y a plusieurs catégories et sortes d'hétérodoxie. C'est pour ça qu'ils ont expliqué de manière relative, ils ont traduit de manière approximative, le fait de détourner les noms divins du sens qu'ils impliquent, c'est-à-dire l'hétérodoxie. L'hétérodoxie, donc, dans les noms divins, est de plusieurs sortes. Et c'est ce que l'auteur va nous expliquer. C'est ce que l'auteur, dans cette règle, il va nous expliquer. Et il va nous expliquer les différentes sortes concernant le fait de détourner les noms divins de leur sens qu'ils impliquent. Ou du sens qu'ils impliquent. Et il va citer quatre catégories, quatre sortes de, on peut même maintenant rester sur le terme en arabe, de ilhad. L'homme pour le croyant et la croyante, pour les musulmans, il est interdit de détourner le sens qu'impliquent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle al-ilhad. Mais d'abord, l'auteur va nous expliquer qu'est-ce que l'ilhad et aussi les différentes catégories de ilhad. C'est pour ça que c'est un chapitre, c'est une règle qui est immensément et très importante. Il dit la première sorte qu'on vient de lire en arabe, le fait, donc vous avez vu, là il va parler de al-ilhad. Qala al-ilhad fi asma'illahi ta'ala huwa al-mail biha amma yajibu fiha. Amma yajibu fiha. Pour comprendre al-ilhad, dans le commentaire, Cheikh il nous dit d'abord al-ilhad fi al-lugha al-mailu. Al-mailu. Wa minhu al-lahdu fi al-qabr. Al-lahdu fi al-qabr. لأنه مائل إلى جانب منه أما في أسماء الله تعالى الذي حضر منه سبحانه في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه فهو ميل بها عما يجب فيها وهذا الضابط للإلحاد في أسماء الله فمثلا لو سميت الله بغير ما سمى به نفسه لكنت ملحدا في الأسماء لأن الواجب الاقتصار على ما ورد به النص لأنها توقيفية ولو أثبتت الأسماء دون ما تضمنتها من الصفات لكنت ملحدا فيها لأن الواجب إثباتها مع ما تضمنته من الصفات وسيأتي بإذن الله بيان ذلك. Et donc d'abord, on prend dans le commentaire, l'auteur va nous expliquer déjà le terme ilhad en arabe. Al-ilhad, son sens c'est al-mail. Al-mail. Al-mail, c'est le fait de pencher lorsqu'une chose penche, lorsqu'une chose dévie, lorsqu'une chose penche. Et donc ici, al-mail, le fait de dévier, de pencher. Penser, par exemple, il donne l'exemple al-lahd. Al-lahd. Vous avez vu, dans la tombe, la sunna de faire al-lahd. On creuse, par exemple, la tombe, et ensuite, sur le côté, donc parfois, il y a différentes sortes de lahd. On peut le faire en bas, directement creuser un autre trou où le mort sera enfoui, sera mis. Ensuite, il sera protégé ensuite par un obstacle qu'on mettra entre lui et ensuite la terre qui sera remise dans le trou. Ou bien parfois l'ahd, et ça c'est un nom précis. Lorsqu'il est en bas, il a un nom précis. Sinon, lorsqu'il est sur le côté, c'est l'ahd. Aussi, l'ahd, c'est le fait de creuser, vous avez vu, sur le côté, il sera mis dans cette partie-là. Ensuite, dans certains pays, ils utilisent des briques en argile pour le protéger, ou du béton, des plaques de ciment qu'ils mettent, et une fois qu'ensuite il est protégé, ils jettent la terre. Ils remplissent le trou, ils remettent la terre dans le trou. Ça, c'est ce qu'on appelle al-lahd. Al-lahd. Ça penche, dérive du trou originel. Le terme al-lahd. لأنه مائل إلى جانب منه. لجانب منه. C'est pour ça dans la parole du grand imam Ahl Sunnah Ahmad ibn Hanbal, jusqu'à quand on étudie le savoir et la science, il dit min al-mahd ila al-lahd, du berceau au tombeau. Il fait allusion à l'ahd qui se trouve dans le tombeau, dans la tombe, le tombeau al-lahd. لأنه مائل إلى جانب منه. Donc il va, pourquoi? Parce que l'ahd, il penche vers un endroit de celui-ci. وَأَمَّا فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ça, c'est dans la langue arabe. Tandis qu'il dit, concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِي حَضَّرَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, dont Allah dans le Coran nous met en garde, puisqu'Allah dit, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et laissez, Allah dit dans le verset 180 de la Sourate Al-A'raf, et laissez ceux qui font l'ilhad concernant ces noms. L'ilhad concernant ces noms. C'est-à-dire le fait de dévier de ce qui nous est obligatoire en réalité concernant les noms divins, subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh, il dit par exemple, et là, c'est pour ça qu'il va donner différentes manières de faire l'ilhad. C'est pour ça qu'ici, ils ont traduit, ils ont expliqué d'une manière générale, l'ilhad, ça serait dans le sens de détourner le sens qu'ils impliquent, c'est-à-dire que les noms divins, les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, impliquent. Ça se fait de plusieurs manières. Pour mieux comprendre l'ilhad, l'on reste maintenant sur le terme général en arabe, et on peut maintenant rester sur le terme ilhad en arabe. Ça se fait de différentes manières. Et Shir, justement, il va mentionner ici différentes manières, en l'occurrence, quatre sortes. Il dit premièrement, أولاً أن ينكر شيئاً منها ومما دلت عليه من الصفات والأحكام. La première chose, الإلحاد, la première manière, c'est le fait de nier une partie des noms ou de ce qu'ils signifient comme attribut et jugement. Comme attribut et jugement. Donc, il nous explique, première manière, première sorte, le fait de nier. شيئاً منها. Le fait de nier des noms. Ou bien de nier les attributs qui sont indiqués par ces noms. Voilà, ahkam, ainsi que les jugements, ça c'est al-ilhad, c'est du ilhad. Fa'ala ahlu at-ta'til kama fa'ala ahlu at-ta'til. Comme c'était rapporté à l'époque, les gens qui sont nommés ahlu at-ta'til, les gens de la négation, ceux qui ont nié les attributs divins. Et ça, on a dit, c'est apparu très tôt dans la nation musulmane. Dans les premiers siècles, avec l'apparition et l'émergence de la doctrine d'Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah, par exemple, et autres, eux font partie de ce qu'on appelle Ahlu At-Ta'til, les gens de la négation. Les gens de la négation ont nié des noms divins, ou bien des attributs que ces noms indiquent, qui sont indiqués par ces attributs. Ça, c'est ce qu'on appelle du Ilhad. Du Ilhad. Donc vous comprenez, hein? Jusque-là, c'est simple. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِلْحَادًا. Et ça fait partie, justement, il dit, cela est du ilhad. لِوَجُوبِ الْإِمَانِ بِهَا. Pourquoi? Parce que le croyant et la croyante, leur obligation, c'est d'y croire. De croire en ces noms et d'affirmer les noms divins. وَبِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ بِهَا. Et de croire aussi aux attributs qui sont indiqués à travers les noms divins. فَنْكَارُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا. Et donc, le fait de nier, par exemple, la négation des noms divins, c'est un mail. C'est le fait de s'écarter, de dévier de l'obligation qui nous incombe face au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et parmi l'obligation de les affirmer et de les confirmer. Donc vous avez vu la première catégorie qu'il mentionne, un shirk par exemple, c'est le fait de les nier. Le fait de les nier. En annotation, dans le commentaire, Cheikh il dit, l'auteur lui-même, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, هناك من الناس الذين يتجهون إلى الكعبة من قال. Il dit par exemple, il y a des gens متجهون إلى الكعبة. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a des gens qui s'orientent vers الكعبة, vers la Mecque. Donc ce sont des musulmans, des gens qui se disent musulmans et qui s'orientent vers la Mecque. Ils prétendent qu'il n'est pas permis de confirmer, d'affirmer les noms et les attributs divins. Ils prétendent qu'il n'est pas permis d'affirmer aussi bien les noms d'Allah Azzawajal que ses attributs. Pourquoi ils disent? Ils disent, si nous les affirmons, les noms divins, alors nous ferons ressembler le créateur à la créature. Le créateur aux créatures. Fanaqul, et dit nous disons, إِذَا نَفَيْتَ شَبَّهْتَهُ بِالْمَعْدُومَاتِ. Il dit en fait, c'est ceux qui nient cela, en fait, ils font ressembler le créateur au néant. Ils font ressembler le créateur au néant. فَإِذَا قَالَ لَا أُثْبِتُ هَذَا وَلَا هَذَا قُلْنَا شَبَّهْتَهُ إِذَنْ بالمستحلات والحمد لله أهل الباطل ملاحقون من أي شيء استتاروا أو استتروا به فإنه منكشفون. إذا نقول من أنكر الإثبات لزمه أن يثبت النفي، ومن أثبت النفي شبهه بالمعدومات، وإن أنكر النفي والإثبات شبهه بالمستحيلات، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. فإن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضين اللذين لابد من وجود أحدهما. Et regardez ce que l'auteur nous dit. Il dit donc, eux, en fait, lorsqu'ils ont nié aussi bien les noms et les attributs divins, en réalité, ils ont comparé ou ils ont fait ressembler le Créateur au néant. Au néant. C'est pour cela que Idan Nakul, c'est pour ça qu'on dit que ceux qui nient les noms ou les attributs divins, lazimahu an yuthbit an-nafi. Alors lui, ça implique qu'il va affirmer la négation. Qu'il affirme la négation. وَمَنْ أَثْبَتَ النَّفِي شَبَّهَهُ بِالْمَعْدُومَاتِ. C'est-à-dire que lui, ensuite, il va nier. Il ne veut pas confirmer. Donc, ça va le mener vers le fait de nier les noms et les attributs. Et donc, de ce fait, en réalité, il va comparer, faire ressembler le Créateur au Al-Ma'dumat. Al-Ma'dumat, c'est ce qui n'existe pas. C'est le néant. Ce qui n'existe pas. وَإِنْ أَنْكَرَ النَّفِي والإثبات شبهه بالمستحيلات. Par contre, s'il désavoue aussi bien la négation que l'affirmation, s'il désavoue aussi bien la négation que l'affirmation, vous comprenez ce que veut dire Cheikh par là ? Là, on est dans le commentaire. C'est-à-dire, là, il désavoue aussi bien la négation. Je ne nie pas, mais il n'affirme pas. Il n'affirme pas. Alors dans ce cas-là, il dit shabbahu bil mustahillat. Bil mustahillat, il fait ressembler le Créateur à ce qui est impossible. Parce que il dit li annahu la yumkinu an yakuna shay la mawjudan wa la ma'duman. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas possible pour une chose, soit elle n'est pas existante, soit elle n'est pas non existante. C'est pas possible. Pour une chose, soit elle est existante, soit elle n'est pas existante. Mais pour une chose, ne pas être existante et ne pas être inexistante, c'est mustahil. Fahoulala, vous avez vu ? C'est, il dit, c'est mustahil. Donc il dit, Si on met en opposition l'existence et l'inexistence, c'est mettre en opposition deux opposés. Si on met face à face l'existence et l'inexistence, c'est mettre en opposition deux opposés. C'est mettre face à face deux opposés. Al-ladhaini la budda min wujudi ahadihima. Deux opposés qui, en réalité, il faut l'existence de l'un d'entre eux. Il faut la présence de l'un d'entre eux. Soit l'existence, soit la non-existence. Soit la chose est existante, soit elle n'est pas existante. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Mais elle ne peut pas être non-existante et non-inexistante. Vous comprenez ? C'est ce qu'il dit. Alors pour cela, il dit c'est pour ça qu'il dit qu'en réalité, ceux qui prônent le faux, quoi qu'il en soit, ils se dévoilent. Celui qui prône le faux, il dit quoi qu'il en soit, il se dévoile. Parce qu'il dit لِأَنَّنَا إِذَا أَثْبَتْنَا. Il y a ceux qui, par exemple, ils disent qu'il ne faut pas affirmer. Alors ils nient. Et ça, on a dit pourquoi ils parlent de la négation. Ils nous expliquent. Parce que la négation, c'est une forme de ilhad. Vous avez compris ? Une forme de ilhad concernant les noms divins, subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ عَنْ أَسْمَائِهِ عَنْ أَوْ فِي أَسْمَائِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. طيب، il dit de même, d'autres doctrines dans notre communauté, dans les premiers siècles, sont apparues. Une autre doctrine, par exemple, مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ, parmi ceux qui s'affiliaient et s'apparentaient à l'islam, qui eux ont dit, oui, d'accord, on affirme les noms divins, par contre, les attributs, non. Par contre, les attributs, non. Comme c'est la doctrine de l'Mu'tazila. وهناك أيضا من الناس من أثبت بعض الصفات وهو قليل ونفى الباقية كالأشاعرة. Et dit par exemple, toujours dans l'explication, et dit d'autres, eux, ont dit d'accord, nous affirmons les noms et nous affirmons certains attributs. Ça, c'est une doctrine ensuite qui est apparue plus tard. C'est la doctrine de l'Ash'ariya, qui eux ont affirmé les noms divins et ont affirmé quelques noms. Quelques attributs. Ont affirmé quelques attributs en niant le reste, en niant la majeure partie des attributs divins. وقد سبقنا الإيمان بالاسم لابد له من ثلاثة أمور في المتعدي وأمرين في اللازم. Donc ça c'est le sens de le premier sens, la première sorte et catégorie de ilhad qui donne le fait de nier. Le fait de nier soit les noms et ce qu'ils indiquent comme attributs. Cette première catégorie, vous l'avez compris, elle est simple, hein, le fait de nier. Deuxième, il dit athani. الثاني parmi les catégories de ilhad, il dit أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه وذلك أن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها دلة عليه ميل بها عما يجب فيها. Donc regardez, le premier sens d'hétérodoxie de Ilhad, il dit c'est le fait de nier une partie des noms ou de ce qu'ils signifient comme attribut. C'est la première. Comme cela fut pratiqué par les partisans de la négation des noms et du dépouillement des noms de leur sens, ce qu'on appelle Ahlut Ta'til, à savoir, entre autres, Al-Jahmiyyah. Alors, il dit, c'est là une forme d'hétérodoxie, car il est obligatoire d'ajouter foi en ses noms et en ce qu'ils signifient comme jugement et attribut. Qu'ici, à Allah, la négation d'une partie de tout cela est une manière de détourner ces noms des sens qui en découlent. Ça, c'est la première sorte. La deuxième sorte qu'on vient de lire, il dit, donc la première, on a dit, c'est le fait de nier. C'est le nafi. La deuxième manière, le deuxième ilhad, c'est le fait d'en faire des noms désignant des attributs similaires à ceux des créatures. Là, c'est le fait d'en faire des noms désignant des attributs similaires à ceux des créatures. En fait, c'est la manière de ce qu'on appelle Ahlut Tashbih. Ceux qui affirment en comparant, puisqu'on a l'autre extrême des négateurs. Les négateurs, eux, ont nié pour éviter de tomber, en prétextant de cette manière, le justificatif était, le prétexte, de ne pas comparer le créateur aux créatures. Que le créateur ne soit pas comparé et le faire ressembler aux créatures. On a eu dans la communauté, l'opposé de cette doctrine. La doctrine qui a affirmé d'une manière exagérée, dans le sens qui ont justement comparé le créateur aux créatures. Et cette manière-là, Cheikh il dit, celle-ci aussi c'est un sens de ilhad. C'est détourner les sens qu'impliquent les noms divins, en réalité. Pourquoi ? Parce que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala exalté soit-il n'impliquent pas la comparaison du créateur aux créatures. N'impliquent pas et n'impliquent en aucun cas la comparaison entre les créateurs et les créatures. Et ça c'est le cas de ce qu'on appelle Ahlut Tashbih. Vous avez vu, la première catégorie, elle s'appelle Ahlu at-Ta'til, les partisans du Ta'til. Ta'til en arabe, la négation. Ahlu at-Ta'til. Donc la première doctrine citée, Ahlu at-Ta'til. At-Ta'til, les partisans de la négation. La deuxième doctrine, eux, c'est l'opposé. C'est ce qu'on appelle Ahlu at-Tashbih, les partisans du Tashbih. Souvent dit en français, comme vous retrouvez dans certains livres, les partisans de l'anthropomorphisme. Les partisans de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, donc, Shir nous explique, l'auteur dans son œuvre, c'est quelque chose de vain. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve rien dans les textes du noble Coran ou de la sonnette du prophète Sam qui prouve l'anthropomorphisme, qui prouve que aussi bien les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ses attributs qui en découlent des noms, sont comparables aux attributs des créatures. On ne trouve pas de texte qui prouve cela et qui implique cela. Dès lors, faire en sorte que les noms d'Allah exaltés signifient l'anthropomorphisme est une forme de détournement des noms, des sens qu'ils renferment nécessairement. Donc, regardez ce que l'auteur dit, de là, affirmer les noms et les attributs divins en impliquant le fait que cela ressemble à ceux des créatures, cela est du ilhad, c'est détourner les noms divins de leur sens qu'ils impliquent. C'est pour cela qu'il dit أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. Donc cette deuxième forme d'ilhad, d'une manière plus précise, l'auteur dit, c'est le fait de faire que les noms divins, les noms d'Allah exalté soient-ils, indiquent des attributs qui ressemblent aux attributs des créatures. Qui ressemblent, en d'autres termes, donc regardez, cette deuxième catégorie de ilhad, de faire l'ilhad, la manière de faire l'ilhad concernant les noms divins, c'est le fait de faire que les attributs qui découlent de ces noms divins soient comparables aux attributs des créatures. Aux attributs de créatures en d'autres termes. Comme affaire à la ahlu tashbih. وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. Et donc il dit du fait que cet anthropomorphisme là, c'est quelque chose de faux et en aucun cas les textes peuvent indiquer l'anthropomorphisme, la ressemblance entre le créateur et la créature. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit ليس كمثله شيء, rien n'est comparable à lui, وهو السميع البصير. Alors, bien au contraire, l'auteur nous dit que les textes indiquent le contraire de cela. Et donc le fait de faire que les noms, que découlent de ces noms, puisque vous avez vu, de chaque nom divin découle un attribut. Chaque nom découle de chaque nom un attribut. Le fait de faire que l'attribut qui découle du nom divin, du nom d'Allah exalté soit-il, que cet attribut-là soit comparable à l'attribut de la créature, cela est du ilhad. Cela, il dit, c'est du ilhad. Donc c'est comme si on détourne le sens impliqué par le nom. Par exemple, ceux qui ont adhéré à cette doctrine, parmi ceux qui s'apparentent à l'islam, parmi des musulmans qui adhèrent à cette doctrine et qui s'orientent vers la Qibla, ils disent les noms d'Allah sont confirmés et eux, différemment de la première catégorie, eux ils affirment les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin ma yathbutu minha min as-sifat fa innahu mumathilun li sifat al-makhluqin. Sauf que eux, ils considèrent, ils disent, nous affirmons les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sauf que les attributs qui en découlent sont comparables aux attributs des créatures. Par exemple, فيقول أنا أثبت أن الله هو السميع البصير. Par exemple, il dit, dans cette doctrine-là, ils disent, par exemple, nous nous confirmons qu'Allah, il est Samia, As-Samia al-Basir. Qu'Allah, une traduction relative du sens du nom d'Allah, l'audient. Qu'Allah, il est l'audient. Qu'Allah est le clairvoyant. Contrairement à la première catégorie, ils le confirment. La doctrine del Jahmiya, eux vont nier cela, puisqu'ils nient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, à l'inverse, al-Mushabbiha, la doctrine qu'on appelle al-Mushabbiha, eux, ils vont affirmer le nom. Ils vont dire, Naram, oui, Allah, il est As-Samia. Et Allah, il est Al-Basir. Donc, si tu leur demandes, donc est-ce que tu confirmes l'attribut qui en découle? Il va dire, Naram, oui. Par exemple, si Allah, il est Samia, Allah est l'audient, ça implique, ça induit qu'Allah, il a l'attribut de l'audience. Qu'Allah entend tout, subhanahu wa ta'ala. S'il est le basir, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a l'attribut de al-basar. Ils vont affirmer cela, ils vont dire oui. Contrairement à la doctrine des Mu'tazila, al-Mu'tazila, eux, vont affirmer les noms, ils vont dire effectivement Allah, il est le Samir, il est le basir, il est le wadud, il est le majid, il est le kabir, al-azim. Ils vont affirmer les noms, mais ils vont dire, par contre, il ne dénote pas d'attribut. Il est Samir bila Samar. Il est l'audient sans audience. Il est le clairvoyant sans clairvoyance. C'est comme cela qu'il voit les choses et qu'il prône les choses. La doctrine de Mu'tazila. Donc, eux nient les attributs qui en découlent. Tandis que la doctrine de Mushabbiha, qui est apparue plus tard, eux affirment les attributs qui découlent des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Eux, ils affirment cela. Sauf, jusque-là, ils affirment, alhamdulillah, ils affirment les noms, ils affirment les attributs qui en découlent, sauf que eux, ensuite, ils rajoutent le fait que, par contre, les attributs qui découlent de ces noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont comparables, ressemblants aux attributs des créatures. C'est-à-dire que l'audience ou la clairvoyance du créateur est comme l'audience des humains et des êtres. Des humains et des êtres. C'est comme cela qu'il prône les choses. Et là, Shir, l'auteur, dans son œuvre, qu'est-ce qu'il nous explique? Que ça aussi, c'est considéré comme du ilhad. Ça aussi, c'est une forme de ilhad. De détourner le sens qu'impliquent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le fait d'affirmer les noms divins, ça n'implique pas que ensuite ce qui en découle comme attribut soit comparable aux attributs des créatures. Ça n'implique pas cela. Donc, spécifier cela et dire cela est considéré comme al-ilhad. C'est la deuxième catégorie que mentionne l'auteur. لكن أقول كما قالوا إن سمعه وبصره كبصر الأدم وسمعه فنقول هذا إلحاد لأنها لا تدل على هذا المعنى بل إن النصوص وردت محذرة عن التمثيل والتشبيه. وهؤلاء هم أهل التمثيل الذين جعلوا مع الله شريكا. Et donc aussi ils sont nommés أهل التمثيل, أهل التشبيه. Ils sont appelés aussi, cette doctrine là, les partisans sont appelés أهل التمثيل, أهل التمثيل. Pourquoi? Parce que le fait de dire que les attributs qui découlent des noms divins sont comparables aux attributs des créatures, ça, c'est quelque chose qui est contraire au texte. Et dont les textes dans le noble Coran, bien la sunna du prophète, mettent en garde contre cela, la ressemblance. Et donc, هَوْلَا أَهْلُ التَّمْثِيلَ الَّذِينَ جَعَلُوا مَرَ اللَّهِ شَرِكًا. Et donc, en fait, les gens du Tamthil ont donné un associé à Allah dans cette considération-là. Ils ont donné un associé, شَرِكًا, Allah, dans cette considération-là. نقول وجه كوني إلحادا لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دلة على بطلانه فجعلها دلة عليه مثل ميل بها عما يجب فيها. إذن الذين أثبتوا أسماء الله مع التمثيل ملحدون لأنهم جعلوها دلتا على معنى باطل وهو التمثيل وهو التمثيل. Et donc tout ce qu'on vient de citer là, c'est du ilhad. Donc celui qui, par exemple, compare le créateur à la créature, yulhid, il fait du ilhad. الثالثة, la troisième manière, la troisième sorte de ilhad, أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى الأب وتسمية الفلاسفة إياه إياه العلة الفاعلة وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه وسموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها هذه الثالثة والرابعة قال المصنف أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في الاشتقاق أو في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين وسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصات أو وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها في سورة الأعراف وقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولقوله تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وكما اختص بالعبادة والألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بما عما أو ميل بها عما يجب فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية ونكتفي بهذا القدر وبالله التوفيق. Donc là on a terminé, on avance un peu, j'ai terminé de lire les deux autres catégories, les deux autres sortes, et donc on a lu le texte en arabe jusqu'à la fin de la règle. Donc en arabe on a fini la règle et il nous restera de, dans la prochaine assise, de traduire les deux autres catégories. Donc là, on vient de lire la troisième catégorie de ce qu'on appelle Al-Ilhad. Ensuite, on a lu la quatrième catégorie de Ilhad. Et l'auteur a conclu en disant Wal-Ilhad, il dit que l'Ilhad, bijami'a anwa'i muharram. Bijami'i anwa'i muharram. Il conclut en disant de toute manière, Al-Ilhad, quelle que soit la catégorie, elle est interdite. Elle est interdite. فقال لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. Et donc il termine de la sorte. Donc on a lu la troisième règle, la quatrième règle avec la conclusion. Donc dans la prochaine séchra, on les traduira. Et on prendra certains points qu'il y a dans l'explication. Certains points qu'il y a dans l'explication de Shir Mouna Thaymin. Et dans la prochaine assise, si on a le temps, on commencera les règles concernant les attributs. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.